Pour contrer le déterminisme spinoziste, Kant défend l'idée d'une double nature de l'être humain. Il est à la fois un phénomène, c'est-à-dire un être sensible, un être de désir soumis à la nature, et en même temps, c'est aussi un noumène, c'est-à-dire un être de raison, indépendant des lois de la nature, et capable de se forger ses propres lois. Cette dualité de l'homme va se retrouver dans l'opposition entre désir et volonté. Pour Kant, ce sont les deux modalités de la faculté de désirer. La volonté est la faculté supérieure de désirer, tandis que le désir en est la faculté inférieure. Et tandis que la volonté est la manifestation du caractère rationnel de l'homme, capable d'agir librement, le désir est au contraire la manifestation du caractère sensible, animal de l'être humain, qui agit alors de façon déterminée. En effet, cette faculté inférieure est dépendante de la sensation, c'est-à-dire des affections produites par le corps du fait des interactions avec des objets matériels. Voilà, par exemple, il y a un gâteau en chocolat, un gâteau au chocolat, c'est un objet matériel, il sort du four, il dégage une odeur, eh bien, cette odeur, je la perçois grâce à mes organes sensibles, et donc cela va créer en moi différentes affections, voilà, une affection agréable, donc ça produit un effet en moi, cet effet va se traduire en un désir, je vais désirer manger le gâteau. Donc, je vais être d'une certaine façon déterminé à vouloir manger ce gâteau, déterminé à désirer ce gâteau. Donc on voit bien qu'ici, je n'agis pas librement quand je vais chercher à manger le gâteau, j'agis parce que je suis déterminé à le faire par un certain nombre d'affections qui elles-mêmes sont le produit d'un corps extérieur, hein, en l'occurrence un gâteau, d'un objet matériel, qui exerce une influence sur moi. C'est en ce sens que Kant nous dit que nous avons des inclinations envers des objets en fonction de leur capacité à affecter nos sens. Et donc ça, Kant oppose ça à la volonté. La volonté, elle, est déliée de la sensation. Elle est indépendante de cette capacité d'être affectée par des objets extérieurs. La volonté, c'est la capacité de se déterminer à agir comme intelligence. Il y a cette idée que, chez Kant, il y a une espèce d'opposition entre l'intelligence, la capacité de raisonner, et la sensation, donc la sensation, la capacité d'être affectée par les choses extérieures. Quand on agit par volonté, on détermine les fins de son action, en faisant abstraction des déterminismes qui pèsent sur notre conduite. C'est-à-dire que si j'agis par volonté, je vais choisir mes actions en faisant un petit peu, en faisant abstraction, voilà, de ces effets, des effets des choses extérieures sur moi. Kant va cependant distinguer deux types de fins que peut poursuivre la volonté. Il veut dire qu'il y a d'une part il y a des fins objectives de la volonté, et puis il y a des fins subjectives. Une fin subjective, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça désigne un but qui n'a de valeur que pour moi. C'est-à-dire que si je me détermine en fonction d'une finalité subjective, ça signifie que ma volonté se détermine en fonction de certains mobiles subjectifs et contingents. On dit alors que j'ai un intérêt pour quelque chose que je désire acquérir pour mon seul profit, en mobilisant pour y parvenir les ressources que la raison me permet de découvrir. Voilà, je vais essayer d'accorder, en fonction de cet objectif, un certain nombre de moyens. Je vais calculer les moyens nécessaires pour y parvenir. Voilà, par exemple, je veux devenir très riche, c'est juste un objectif pour moi, donc c'est une finalité subjective. Eh bien, je vais réfléchir à tous les bons moyens pour parvenir à cet objectif, pour parvenir à devenir très riche. Voilà, c'est le cas lorsque nous poursuivons des biens qui sont supposés contribuer à notre bonheur. Mais dans ce cas-là, lorsque nous visons des fins subjectives, nous ne faisons pas un usage moral de la volonté. En outre, même si on agit là de façon consciente et réfléchie, hein, c'est-à-dire en réfléchissant aux bons moyens pour parvenir à nos fins, eh bien, au fond, ce qui détermine toujours notre volonté, eh bien, c'est bien une inclination, c'est-à-dire une motivation causée par des choses extérieures. Et donc pour Kant, tout ça s'oppose aux fins objectives, aux finalités objectives que peut se donner la volonté et qui, elles, sont conçues par la raison. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une finalité objective? Ben, ce sont les buts qui ne valent pas juste pour telle ou telle personne, mais qui valent pour toute l'humanité. C'est lorsque on se met à penser de façon universelle. Et penser de façon universelle, c'est vraiment se détacher de notre expérience personnelle, de nos sensations, de nos désirs, et c'est se mettre un peu à la place des autres. Voilà, c'est se mettre au-delà de notre condition particulière. Et c'est à ce moment-là, lorsque nous visons ces fins objectives, que nous agissons complètement libérés de nos désirs et de nos inclinations. Et ce que nous dit Kant, c'est que lorsque nous agissons en fonction de nos inclinations, en fait, nous ne sommes pas véritablement libres, nous ne sommes pas véritablement maîtres de nous-mêmes. En fait, lorsqu'on agit en fonction d'une inclination, par exemple d'un désir ou d'un intérêt, eh bien, c'est un peu comme si nous obéissions à quelqu'un d'autre. C'est en ce sens que Kant, dans la Fondation de la métaphysique des mœurs, qualifie d'hétéronome la volonté de celui qui agit en fonction de ses inclinations, en fonction de ce que lui dictent ses désirs. Alors, il faut voir, le terme d'hétéronomie, il est calqué sur celui d'autonomie. La personne autonome, c'est celle qui se donne sa propre loi. La personne hétéronome, c'est celle qui reçoit sa loi, la loi de son action, de l'extérieur. Donc, c'est un peu comme si le désir, c'était un peu une personne extérieure à moi qui me commandait, sans que je me contrôle moi-même. Donc, nous dit Kant, nous ne sommes véritablement libres que lorsque nous agissons non pas contrôlés par nos désirs, soumis à nos désirs, mais lorsque nous agissons sous la conduite de notre raison. C'est alors seulement que nous sommes autonomes, c'est-à-dire que nous nous donnons à nous-mêmes notre propre loi, loi conçue par la raison. Selon Kant, les lois que la raison détermine, eh bien ces lois, elles doivent être conçues sur le modèle des lois universelles de la nature. Autrement dit, la raison doit être capable d'énoncer des règles de conduite qui valent pour tout le monde, qui sont des règles universelles, c'est-à-dire qui ne valent pas juste pour telle ou telle personne, qui ne valent pas juste pour moi, mais qui valent pour tout le monde, qui valent pour tous les êtres de raison. Et c'est cette détermination de la volonté en fonction d'un principe rationnel, d'une loi rationnelle déliée de toute référence au désir, qui va conférer leur moralité à nos actions. C'est ce qu'il dit dans cette citation de la Fondation de la métaphysique des mœurs. Une action accomplie par devoir tire sa valeur morale non pas du but qui doit être atteint par elle, mais de la maxime d'après laquelle elle est décidée. Elle ne dépend donc pas de la réalité de l'objet de l'action, mais uniquement du principe du vouloir d'après lequel l'action est produite, sans égard à aucun des objets de la faculté de désirer. Donc c'est-à-dire que il faut vraiment concevoir cette idée d'une action libre, c'est une action qui est décidée par la raison de façon complètement indépendante des objets du monde matériel. C'est-à-dire que la raison se projette dans un règne des fins, c'est l'expression qu'emploie Kant. C'est-à-dire que la raison se projette dans un univers de lois complètement déliées du monde matériel, et donc complètement déliées des objets qui peuvent nous influencer d'une certaine façon. Et c'est à partir de ce moment-là où nous concevons ces lois qui sont formelles et universelles que là, nous sommes indépendants des influences du monde matériel. Et ainsi, pour Kant, il y a une différence fondamentale entre les actions faites en fonction de nos désirs, qui ne sont pas vraiment libres, et les actions faites par devoir, qui résultent de la seule volonté, et la seule volonté qui s'est déterminée en fonction de lois conçues par la raison, indépendamment de la matière, indépendamment des objets susceptibles de nous influencer. Donc si j'accomplis une bonne action qui a des conséquences bénéfiques pour autrui, mais que c'est en fonction d'un désir, et bien là, Kant nous dit ce n'est pas une bonne action. Ce n'est pas véritablement une bonne action. Par exemple, si je sauve une personne, parce que je désire être aimé ou parce que je désire être admiré. En fait, ce n'est pas vraiment moral, même si les conséquences sont positives. Et puis, en fait, au fond, si j'ai désiré sauver cette personne, ce n'était pas en fonction de ma volonté, c'est parce que j'étais influencé de quelque manière par des éléments du monde dans lequel je vis. Voilà, je désire être aimé, je désire être admiré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est je m'identifie à certains modèles d'héroïsme. Voilà, et en fait, c'est ce modèle d'héroïsme qui m'a causé mon action, qui m'a poussé à agir. Et non, je n'ai pas agi en fonction d'une vraie bonne loi indépendante, Hein, et c'est à ce moment-là seulement que l'action sera morale. Hein. L'action moralement bonne, elle résulte de la seule volonté de se conformer à une loi conçue par la raison, indépendamment de tous les désirs, indépendamment de tout motif qui viendrait en fait de notre expérience. Donc pour Kant, la possibilité d'une autodétermination de la volonté, c'est la condition de la moralité. Hein, pour qu'on ait un être vraiment moral, c'est un agent qui agit vraiment librement, qui décide de ses actes et qui peut en répondre complètement indépendamment des influences qui s'exercent sur lui. En revanche, si mes actions ne sont que le résultat mécanique de causes extérieures qui sont hors de mon contrôle, si mes actions ne sont que le résultat de mes désirs, comme le soutient Spinoza, ben j'en suis pas vraiment responsable et donc je n'agis alors pas vraiment moralement. Et c'est pour ça que Kant veut sauver la moralité, ben pour sauver la moralité, il soutient cette idée voilà, d'une volonté indépendante, une volonté indépendante qui se détermine en fonction de lois de la raison qui conçoit ces lois elle-même indépendamment des désirs, indépendamment des influences du monde matériel.